16, 7, observation. Pour parler d'un endroit. On y va, on y est. Vous connaissez le Pays Basque? Oui, nous y allons tous les étés. Et Chartres, vous connaissez? Oui, il y a une très belle cathédrale. Vous n'allez pas chez les Courtois? Oh, je peux y aller un autre jour. I représente un endroit où on va. Je vais aller à Chartres. Moi aussi, je veux y aller. I représente aussi un endroit où on est. Il y a longtemps que vous êtes en France? Ben non, ça fait 2 jours que j'y suis. Notez que « i » est placé devant le verbe.